d'Ouïman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le ministre burundais des Affaires étrangères tempère les effets de la fermeture des frontières avec le Rwanda en comparant les relations entre les États au changement climatique. Vous l'entendrez. Entre-temps, méfiance et peur des populations burundaises et rwandaises, voilà des attitudes que pourrait susciter dans l'immédiat cette décision intervenue ce jeudi. Une analyse du professeur Pascal Nionizigiye, il est expert en relations internationales, vous l'entendrez également. Et les victimes des inondations du week-end dernier en Davao, commune Buganda de la province Cibitoke, ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence. Elles sont estimées à plus de 900 familles et sont regroupées à l'école Kagunuzi. Et une confédération des éleveurs de porc a été créée ce vendredi à Gitega sur l'initiative du président de la République, Évariste Ndayishimiye. Il est lui-même éleveur de porc. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le parti UPRONA demande aux gouvernements respectifs du Burundi et du Rwanda de poursuivre la voie du dialogue malgré la fermeture des frontières terrestres par le Burundi. Olivier Nkurunziza, président de ce parti, déplore que cette mesure touche le quotidien de la population de faibles revenus. Suivez-le au micro de Placide Niyomungere. C'est très regrettable d'avoir que cette mesure est arrivée à ce degré. Comme le ministre de l'Intérieur l'a annoncé, au niveau du parti UPRONA, nous avons pensé que avec ces techniciens en matière de sécurité, ils ont vu que peut-être il y a un danger imminent qui guette le Burundi à partir du Rwanda. Sinon, il n'y a pas autre raison. Nous lançons un appel au ministre de l'Intérieur qui a annoncé tout cela à travers lui, le gouvernement du Burundi, qu'effectivement, c'est une mesure qui a été prise alors qu'il y a peut-être des Burundais, des Rwandais qui sont oubliés, qui n'ont pas eu peut-être le temps de retourner. Ils étaient peut-être allés se faire soigner ou faire d'autres obligations sociales, que ces gens soient facilités pour qu'ils retournent chez eux sans problème. Mais aussi, ce que nous continuons à faire comme appel, c'est de lancer un appel entre les deux présidents du Burundi et du Rwanda, de continuer le dialogue diplomatique, politique aussi, pour qu'effectivement les relations se normalisent très rapidement. Vu les discours de part et d'autre, voyez-vous que les deux présidents peuvent s'asseoir ensemble pour un dialogue? C'est très facile parce qu'ils se rencontrent dans pas mal d'organisations, quelles que soient East African Community, dans l'Union africaine. Oui, on peut comprendre les discours, mais les voies diplomatiques et dans les coulisses, on peut continuer à échanger et trouver une solution. Je garde l'espoir que quand il y a un problème, il y a mille solutions. Le président du parti UPRONA, Olivier Nkurunziza, et le ministre des Affaires étrangères et la coopération au développement relativisent les effets de la fermeture des frontières avec le Rwanda et comparent les relations entre les États au phénomène de changement climatique. Devant l'Assemblée nationale du Burundi ce vendredi, Albert Shingiro a rassuré que malgré cette fermeture des frontières, les Burundais se trouvant au Rwanda peuvent rentrer sans problème. Suivez-le dans cette traduction de Placide Niyomungere. Je comparerai les relations diplomatiques au changement climatique. Il y a le temps de fortes pluies ou d'ensoleillement avec comme effet la destruction des cultures ou encore une pluviosité ou ensoleillement tempéré, ce qui permet de feuillage ou de floraison. Les relations entre les États lointains ou ceux avec lesquels nous partageons les frontières se portent ainsi. Dans les relations entre le Burundi et le Rwanda, il y a alors de fortes pluies ou du soleil en moyenne. Il peut y avoir des moments de tension, mais comme on le dit, après la pluie, c'est le bon temps. Chaque pays a sa propre façon d'arranger les choses sur base de sa souveraineté. Personne ne sait pas, par exemple, pourquoi la RDC n'a pas encore fermé ses frontières avec le Rwanda. Par le principe de souveraineté, notre gouvernement peut prendre telle ou telle autre décision, même au-delà de celle-ci. Personne ne viendra nous demander pourquoi on ferme les frontières ou on les ouvre. Ce n'est pas nécessaire de s'expliquer et cela relève de la souveraineté du pays. Je pense qu'un Burundais qui aura l'intention de rentrer n'aura pas de problème au niveau des frontières. Pour ceux qui voyagent par avion, des vols restent programmés à la normale. Je vous rassure, ils n'auront pas de problème. Le ministre Albert Shingiro, cette fermeture des frontières peut susciter un climat de méfiance ou de peur entre les populations, entre les pays voisins. C'est du moins l'analyse du professeur d'université expert en relations internationales après la décision du gouvernement burundais de fermer ce jeudi encore une fois ses frontières avec le Rwanda. Pascal Niyoniziguiye trouve qu'une médiation sous-régionale permettrait de sortir de ces conflits entre ces pays voisins. La fermeture de la frontière entre le Burundi et le Rwanda, c'est un événement qui est dramatique pour l'histoire de nos deux pays. On avait cru à la reprise de la coopération après les événements de 2015, parce que le chef de l'État rwandais était déjà venu au Burundi. Les autorités burundaises avaient déjà visité le Rwanda. Et les populations avaient cru que la reprise de la coopération allait devenir une réalité palpable. Mais maintenant, on fait un retour en arrière et on ne sait pas le temps que ça doit prendre. La conséquence immédiate de cette fermeture des frontières, c'est la peur, la psychose au niveau des frontières. Les gens ont peur pour leur sécurité, ça c'est de 1, de 2. Les échanges commerciaux régressent d'une manière sensible alors que les deux pays sont des pays complémentaires en matière d'échange de produits commerciaux divers. Il y a des liens sociaux qui sont une réalité. Il y a des Burundais qui ont épousé des Rwandaises et vice-versa. Il y a des étudiants rwandais au Burundi, tout comme il y a des étudiants burundais au Rwanda. Il y a beaucoup de choses qui vont faire défaut chez les deux peuples. C'est vraiment très dommage parce qu'on était quand même suffisamment avancé et on croyait à la prochaine reprise d'une coopération normale entre nos deux pays. Mais maintenant, c'est un retour en arrière. Je crois que la meilleure voie serait de mettre sur pied une commission d'enquête internationale dans le cadre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, par exemple, pour essayer d'identifier le fauteur de troubles et de pouvoir le punir, ne fût-ce que symboliquement, pour qu'il ne le prenne pas. Parce que c'est faisable dans un cadre sous-régional. Et puis par après, on pourrait envisager la reprise de la coopération progressive, parce que visiblement, il y a beaucoup de questions qui doivent être traitées entre nos deux pays. Pascal Niyoniziguiye, professeur d'université et expert en relations internationales. Et en réaction, le Rwanda estime que la fermeture des frontières terrestres avec lui, telle que décidée par le Burundi, va réduire la libre circulation des biens des personnes entre ces deux pays. Pour ce voisin du Nord, cette décision qu'il qualifie d'unilatérale et inopportune viole les principes de la coopération régionale et de l'intégration dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Plus de 900 familles de 5 sur 6 collines de la zone Ndava en commune de Buganda de la province Cibitoke, déplacées à l'école Kagunuzi suite aux inondations survenues dans la nuit de samedi à dimanche dernier, ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence en vivres, couvertures, habits et autres, car tous leurs biens ont été endommagés par ces inondations. L'administrateur communal de Buganda trouve très insuffisante l'aide apportée par les ministères de la Solidarité et de la Santé publique et demande à d'autres bienfaiteurs de secourir cette population victime de changements climatiques. Un reportage d'Evariste Nzikobanyanka qui s'est rendu sur les lieux. Dans son pays, c'est vraiment difficile en ce qui concerne l'agriculture. De grands espaces de culture ou parcelles de l'État dans lesquelles les paysans cultivaient. Aujourd'hui, ces espaces sont occupés par les hauts administratifs. Je peux donner un exemple de Google Farm. Vous voudrez bien nous excuser, ce n'est pas l'élément que nous avons commandé. C'est un reportage d'Evariste Nzikobanyanka. Evariste Nzikobanyanka s'est rendu à Cibitoke. Nous sommes à l'Ekofo Kagunuzi, où ont été rassemblées plus de 900 familles victimes des inondations survenues le week-end dernier à Nyamitanga. Ils disent être dans la misère car ils n'ont rien récupéré dans leur maison suite aux inondations. Nous avons été victimes des inondations. Ici à l'école, nous faisons face au froid, C'est vraiment regrettable que nous dormons à ciel ouvert sans couverture, car nous n'avons rien récupéré dans nos maisons qui ont été entièrement inondées. Nous avons besoin d'une aide constituée de couvertures, des vivres et des ustensiles de cuisine. On n'a rien car tout a été emporté par ces pluies diluviennes. Cela étant, il remercie ceux qui les ont déjà assistés, mais il lance un cri d'alarme aux natifs d'Ndava vivant à Bujumbura qui n'ont jusqu'aujourd'hui arrivé sur terrain pour s'enquérir de la situation. Ces natifs, nous les voyons pendant les élections, mais on ne les a pas encore vus depuis cette tragédie. S'ils nous entendent, qu'ils viennent nous voir comme ils le font pendant la campagne électorale, qu'ils viennent nous voir et nous consoler, car nous sommes en détresse, il ne faut pas qu'ils restent seulement à Bujumbura. Même si les ministères de la solidarité, de la santé publique sont déjà venus à l'aide à cette population en détresse, l'administrateur de la commune de Buganda, Pamphile Hakizimana, tire la sonnette d'alarme aux âmes charitables de venir en aide à cette population victime de ce changement climatique. La grande partie a perdu presque tout. Tout ce qui fait de l'homme un homme, ils ont tout perdu, presque tout. La paix que je pourrais lancer aux bienfaiteurs, c'est de venir en aide, surtout si c'est possible, le faire dans les meilleurs délais, puisque la population souffre. L'administrateur de la commune Buganda demande au gouvernement à mener des études pour trouver une solution durable à cette problématique qui se pose chaque année à Nyamitanga pendant la saison des pluies. Évariste Nzikobanyang. Il a été créé ce vendredi à Gitega une confédération nationale des éleveurs de porc qui aura la tâche de trouver des solutions à tous les problèmes qui hantent ce secteur, dont la cherté des aliments de cet animal, le manque de débouchés et autres. Lui-même éleveur de porc, c'est le chef de l'État qui a dirigé cette séance de création d'une union visant la promotion de l'élevage de porc. Gérard Nibigira. Des centaines d'éleveurs de porcs venus de tout le pays se sont rassemblés au stade Ingoma de Gitega ce vendredi pour suivre une réunion organisée par le chef de l'État Évariste Ndayishimiye et dont l'objet était d'échanger sur comment relever et revaloriser l'élevage des porcs. Ainsi, les éleveurs de porcs ont fait savoir que ce type d'élevage connaît plusieurs problèmes. Ils ont notamment parlé de la cherté des aliments des porcs ces jours-ci, du manque de débouchés à tel point que le prix d'un porc est très bas en comparaison avec le coût de son entretien de par son alimentation et son traitement en cas de maladie. Ils ont aussi évoqué les cas de consanguinité chez pas mal de porcs qui limitent la production des porcs, l'inexistence des assurances pour les animaux d'élevage et les cultures, l'inexistence d'un abattoir et d'une usine de transformation de la viande de porc. Ils ont ensuite évoqué l'insuffisance des vétérinaires spécialisés dans le traitement des maladies des porcs ou l'inexistence de ces vétérinaires dans plusieurs coins du pays. À propos de tous ces problèmes, le président de la République a proposé la mise en place d'une confédération nationale des éleveurs de porcs dont la mission sera de trouver des solutions à tous ces problèmes et même bien d'autres irrelatifs. C'est ainsi qu'une confédération des éleveurs de porcs a été mise en place avec 144 membres ressortissants de toutes les provinces du pays. A été élu président de la dite confédération, M. Manishimwe Albert, éleveur de plus de 2000 porcs. Cette confédération des éleveurs de porcs comprend 5 comités dont les membres ont aussi été élus. Il s'agit notamment du comité chargé du centre naisseur des porcs, du comité chargé de l'engraissement des porcs et du comité chargé de la vente et des productions des porcs. Enfin, le chef de l'État a demandé à tous les éleveurs de porcs de former une union imbattable et infaillible afin de réellement revaloriser l'élevage des porcs. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isangani. Des équipements médicaux, dont ceux des services opératoires et néonatologie, des lits modernes pour malades et d'autres d'une valeur d'environ 1,3 milliard de francs burundais. C'est un don que le gouvernement américain a remis ce jeudi à la polyclinique Ubuntu Village of Life de Muyang et en commune Mugamba de la province de Bururi. Cet établissement sanitaire a été construit par Dr Alexis Nizigiyimana, natif de cette commune et vivant au Canada. Zenon Zambimana. C'est la polyclinique Ubuntu Village of Life de la localité de Muyange en commune Mugamba de la province de Bururi qui a reçu ce jeudi un don des équipements médicaux d'une valeur de 1,3 milliard de francs burundais octroyé par le gouvernement américain. C'est le docteur Alexis Nizgimana, natif de la commune Mugamba vivant au Canada, qui est fondateur de ce village. Docteur Alexis Nizgimana fait savoir que les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans seront désormais soignés gratuitement à cet hôpital grâce à ce don et de l'appui de la Fondation Madilo, une fondation américaine. Les habitants de la commune Mugamba, qui étaient auparavant référés à Bujumbura ou ailleurs, disent que c'est un offre de soulagement. Docteur Olivier Nijimbele, secrétaire permanent au ministère de la Santé, de même que colonel Nudansi Bandezamaso, gouverneur de la province de Bururi, salue l'initiative de ce jeune docteur natif de la commune Mugamba, qui est en train de contribuer pour le développement de son pays. Ils appellent d'autres natifs à lui emboîter le pas. Vous saurez qu'à cette occasion, les invités ont pu visiter d'autres projets connexes de jeunes docteurs, comme le centre d'innovation et de formation en agroécologie et en santé, ainsi que celui dénommé American Kona du secteur de l'éducation, où les jeunes formés dans différents domaines, dont l'entrepreneuriat et l'anglais, ont reçu des certificats. Depuis Bururi, pour la radio Isanganiro. Et pour boucler ce journal, 24 pays regroupés en 6 poules de 4 équipes vont participer à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire dès ce samedi. Les matchs de cette compétition seront livrés dans 6 stades se trouvant dans 5 villes de la Côte d'Ivoire. La Confédération africaine de football, CAF, a annoncé une augmentation de 40% du prix du vainqueur du tournoi. Le vainqueur de la 34e édition du plus grand événement sportif organisé sur le sol africain recevra 7 millions de dollars américains au lieu de 4 millions de dollars. Réponds à savoir davantage. La rédaction a recueilli l'analyse d'un journaliste sportif qui suit de près l'organisation de cette CAN. C'est Patrick Arakandi qui dit que la 34e édition de la CAN pourrait révéler de nouveaux talents du fait que les meilleurs joueurs africains qui évoluent dans les championnats européens jouent pour le moment dans le championnat d'Arabie Saoudite qui est moins évolué. Il donne l'exemple du Sénégalais Sadio Mané qui joue dans l'Al Nassr et dont on connaît le rôle pour que son pays remporte la récente édition de la CAN lorsqu'il évoluait dans la sélection anglaise de Liverpool. Suivez. La Côte d'Ivoire, c'est parmi les grands pays d'Afrique. On attend comment ils vont organiser cette CAN. Donc, nous allons voir les infrastructures. Est-ce qu'il y a une différence entre les infrastructures qu'on a vues au Cameroun au niveau organisationnel? Est-ce que comment ça sera bien organisé différemment à d'autres pays? On dit que la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'accueil. Aussi, au niveau des performances des joueurs, on attend les anciens. Je ne peux pas dire les anciens stars parce qu'ils sont toujours sur le terrain. Sadio Mané, Riyad Mahrez, aujourd'hui qui évolue en Arabie Saoudite, auparavant qui évolue en Europe, est-ce que ce sera les mêmes Sadio Mané de la CAN précédente? Ça sera Riyad Mahrez de la CAN précédente, c'est ce qu'on attend. Et aussi, on attend toujours ces stars montantes, disons Victor Osimhen, qui est parmi les meilleurs joueurs d'Afrique, Achraf Hakimi, qu'est-ce qu'ils vont nous montrer? Toujours Guerasso, aujourd'hui qui évolue à Francfort dans le championnat de Bundesliga, qu'est-ce qu'il va nous montrer? Tout ça, disons que c'était CAN très spécial. On attend aussi les joueurs soi-disant que ça sera les derniers CAN, Vincent Aboubakar du Cameroun. Et qu'est-ce qu'il va nous montrer? Comment il va terminer? C'est ce qu'on attend toujours dans cette CAN. Je pense que cette CAN va nous épater. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.